Et en cette fin juillet, comme pendant tout l'été, dans Bleu Nature, on retrouve les bonnes idées balado avec Jean-Michel Maman, directeur de la rédaction des guides balado. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Miguel. Vous allez bien ? La forme. On part où aujourd'hui ? On part en région Midi-Pyrénées. Et pourquoi faire ? On va découvrir un musée qui n'a rien à voir avec les autres, puisque c'est le musée de l'insolite. Ah, qu'est-ce qu'il a d'insolite ce musée ? Alors, imaginez un lieu qui donne une seconde vie aux objets les plus ordinaires, les plus inutiles. Par exemple ? Par exemple, une voiture qui a été dépecée. Oui. Grandeur nature, qui est attachée façon tipi dans un camp d'une tribu indienne. C'est difficile à expliquer et à s'imaginer. Mais c'est quoi ? C'est de l'art contemporain ? Même pas. Disons qu'il y a, je ne sais pas si je peux l'appeler un farfelu, mais je pense que ça lui plaira, Bertrand Chenu, qui a créé ce lieu dans un cadre vraiment d'exception en plus, environnant, qui est vraiment magnifique. Et tous les objets qu'il pensait être inutiles, il les a mis en scène. Alors, c'est-à-dire que vous avez donc cette voiture qui est scalpée, qui est vraiment en étendoir. Vous avez une énorme Harley qui fait 3 mètres de long, qu'il a nommé Grosse Moto. C'est une sorte de Dali des temps modernes. D'accord, donc il a détourné des objets du quotidien pour en faire des œuvres d'art. Voilà, et qui sont en plus exposés en plein air. Ah, bien. Donc on se promène dans cette espèce de jardin complètement... surréaliste. C'est vraiment du surréalisme total. Il ne faut pas essayer de chercher un sens. Si on n'aime pas ce que fait Dali, il vaut mieux pas non plus aller au musée de l'insolite, parce que je pense qu'il y a des connexions possibles. Chaque objet crée vraiment la surprise. D'accord, donc c'est pour les gens qui aiment être surpris. Les enfants, je pense qu'ils peuvent apprécier ce genre d'endroit complètement loufoque. À nous, on le recommande vraiment pour les enfants, mais même des enfants à partir d'un an, et plus. Tous les sens sont en éveil. Tous les sens sont en éveil, puisque chaque objet est vraiment détourné de son utilisation. Vous allez avoir une deux chevaux complètement ratatinée, enfin... vraiment des choses indescriptibles. Des objets, il y en a en pagaille, puisqu'il y en a d'autres qui viennent s'ajouter chaque année, chaque jour, en fonction de ses trouvailles. Ah oui, ils cumulent, ils transforment, ça rouille sur place, et c'est assez exceptionnel. Alors on n'a pas dit c'est où exactement ? Ça se trouve donc à Orgnac, c'est dans le Lot, région Midi-Pyrénées. C'est plus précisément à 42 km de Cahors, si ça vous situe. Oh, très très bien. Ce qui est aussi, insolite, c'est que l'entrée est libre. Donc c'est une participation libre. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui fait ça pour son plaisir. Et c'est une bonne balade. C'est une bonne activité à faire pour la journée. En famille, on fait des photos, on revient avec une photo de Harley détournée et on peut crâner. On peut crâner, puis ce sont des trouvailles que lui-même concrétise en une heure ou parfois en cinq ans. C'est au rythme de ses envies et du temps qu'il a envie d'y consacrer. Alors ça s'appelle ? Le musée de l'insolite. C'est vraiment classé monument hystérique, comme on l'a nous-mêmes précisé. Très bien. Si vous voulez retrouver toutes les informations sur ce musée de l'insolite qui est situé donc pas loin de Cahors à 42 km en Midi-Pyrénées, vous allez faire un tour sur balado.fr. Tout à fait. Ou alors sur francebleu.com, où vous aurez aussi toutes les informations sur ces bonnes idées balado. Merci Jean-Michel, on se retrouve demain. Merci, bonne balade à tous. Merci.